Chapitre 17. Depuis le moment où nous l'avons vu s'enfermer dans son cabinet de travail, le père de Marie n'avait point quitté l'attitude prise par lui en y rentrant. Un coup frappé discrètement à la porte le tira de ses préoccupations sinistres. Le valet de chambre parut. « C'est une femme qui désire voir monsieur. » Elle a dit qu'elle venait de la part de monsieur Ovid. Paul Armand eut quelque peine à cacher son trouble. « Pourquoi m'envoie-t-il quelqu'un ? » se demanda-t-il. « Que lui est-il arrivé ? Pourquoi n'est-il pas venu lui-même ? » Il ajouta à voix haute, « Faites entrer cette femme. » Le valet de chambre introduisit la visiteuse et se retira en refermant la porte derrière elle. Paul Armand se retourna. Soudain, il poussa un cri sourd, il recula jusque dans un angle de la pièce. Il avait devant lui Maman Lison, qu'Ovide prétendait avoir écrasé sous l'échafaudage de la rue Gillecoeur. « Ah, dit Jeanne, votre terreur me prouve que c'est par votre ordre qu'on a voulu m'assassiner. » L'ex-contremaître comprit que s'il ne faisait pas tête à l'orage, il était perdu. Il s'écria « Vous ici, que venez-vous faire dans ma maison ? N'avez-vous pas compris qu'enfin j'ai soulevé votre masque ? Cette femme est folle, murmura le faux Paul Armand. Ce que je viens faire ici, je viens vous demander compte de ce que j'ai souffert depuis 21 ans, Jacques Garot. » Le millionnaire feignit l'étonnement. « Jacques Garot, répéta-t-il, quel est ce nom ? C'est le vôtre. Le monde entier sait que je m'appelle Paul Armand. Vous êtes folle, Lisperrin. » « Je ne suis point Lisperrin, je suis Jeanne Fortier. Vous m'avez reconnu chez l'avocat Georges Darier. Taisez-vous. Je ne me tairai pas. Dénoncé par toi et ton complice, on me cherche, on me traque. Je suis venu ici chez toi pour que la police puisse nous arrêter ensemble. Une fois pris, il te faudra bien avouer tous tes crimes. » Jacques Garot allait répondre. La porte s'ouvrit brusquement. « Que se passe-t-il donc, mon père ? » Le millionnaire s'élança vers Marie. « Mon enfant chéri, lui répondit-il, va-t'en, cette femme est folle, elle insulte, elle menace. Eh bien, mon père, il faut appeler, il faut qu'on vienne et qu'on la fasse chasser de notre maison. » Marie s'approcha de Jeanne et lui adressa ces mots. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Qu'on arrête cet homme avec moi et que justice soit faite. » « Tu vois bien qu'il est folle, » s'écria Paul Armand. « Sonnez donc, mon père, sonnez donc, » reprit la jeune fille. Le millionnaire resta immobile. Marie le regarda avec stupeur. « Mais pourquoi donc ne sonnez-vous pas ?»« Parce qu'il a peur, » fit Jeanne. « Eh bien, je sonnerai, moi. » Et la fille de Paul Armand se dirigea vers la cheminée. « Marie, Marie, » balbutia le misérable en l'arrêtant du geste. « Non, non, n'appelle pas, ne sonne pas. »« Pourquoi donc ?»« C'est moi qui vais répondre, » dit Jeanne Fortier. « Il ne veut pas qu'on sache que Paul Armand est Jacques Garot, le voleur, l'incendiaire et l'assassin. » « Après 21 ans de ténèbres et d'impunité, il sait que la lumière va briller enfin, et il tremble. « Ah, taisez-vous, pitié pour ma fille. Avez-vous eu pitié de mes enfants ? Ne croit-il pas, grâce à vous, que leur mère est une misérable, une infâme ? Je veux, moi, que votre fille sache qu'après avoir livré ma fille au couteau de son complice, vous avez voulu la tuer par le désespoir. « Ah, tais-toi, tais-toi, ou sinon... » Mais déjà Marie s'était jetée entre lui et la visiteuse. « Je veux que cette femme parle, » dit-elle. Dompté par le regard de sa fille, le millionnaire se laissa tomber sur un fauteuil. Jeanne poursuivit. « Il y a 21 ans, cet homme a volé, incendié, assassiné, et joignant à tant de crimes, un crime plus lâche encore peut-être, a fait croire à sa mort Yorick, et m'a laissé condamner à sa place. Il a pris un faux nom, et il a épousé votre mère. »« Tais-toi, mais tais-toi donc, » bégaya l'industriel. « Parlez, je le veux, » dit Marie pour la seconde fois. En Amérique, il fit une immense fortune, et il revint vivre heureux en France, tandis que j'agonisais lentement en prison. Voulant, avant de mourir, revoir mes enfants, je m'évadais. Lui aussi les cherchait, le misérable, et le hasard le mit d'abord en face du fils de l'homme assassiné par lui jadis, Lucien Labroux, qu'il voulait vous donner pour mari. Lucien Labroux aimait ma fille, poursuivit Jeanne. Votre père eut l'audace de lui dire « Celle que vous aimez est la fille de la misérable qui a tué votre père. » C'est horrible, balbutia Marie, son visage dans ses mains. « Oui, bien horrible, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'a fait cet homme. » « Voilà pourquoi il tremble devant moi. Allons, Jacques Garot, lève-toi, et dis à ta fille que tu es bien le voleur, l'incendiaire, l'assassin d'Alfortville. » Le misérable se leva, en effet, mais ce fut pour bondir sur Jeanne et la prendre à la gorge. La porteuse de pain poussa un cri d'angoisse. Marie, épouvantée, s'enfuit. « Tu es ici, chez moi, » fit le millionnaire. « Personne ne t'a entendu. Je me nomme Paul Armand et non Jacques Garot. La preuve du contraire n'existe pas. Tu m'as attaqué, je me défends, tu vas mourir. » Et ses doigts se crispèrent de plus en plus autour du cou de la malheureuse, la serrant comme dans un étau. Il la poussa vers la porte du cabinet, servant de débarras. Sous la pression de son corps, la porte mal fermée s'ouvrit. Les mains de Jacques se desserrèrent, et la porteuse de pain s'abattit, inanimée sur le parquet de la pièce étroite. Au moment où l'infâme refermait la porte, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et aperçut Étienne Castel et Raoul Duchemin. « Nous vous dérangeons peut-être, cher monsieur Armand, » dit l'artiste. « Pardonnez-nous de venir vous surprendre. J'ai prié votre valet de chambre de ne pas nous annoncer. Mais qu'avez-vous donc, cher monsieur Armand? Vous voilà pâle comme un mort. Vos mains tremblent. Êtes-vous souffrant? Oui, un malaise subi, répondit Jacques Garot, en s'efforçant de se remettre. Ce n'est rien, ça va déjà mieux. Mais à quoi ai-je plaisir de vous voir ce matin en compagnie de... Jacques Garot s'interrompit. De monsieur Raoul Duchemin, que je vous présente à cheval artiste. Depuis que je vous ai quitté hier au soir, une tâche fort lourde m'est incombée, et je viens vous prier de vouloir m'aider à la remplir. Ces paroles rassurèrent le faux Paul Armand. Il avança des sièges aux visiteurs. Veuillez m'apprendre le motif de votre visite. En disant ce qui précède, le millionnaire jetait à la dérobée un coup d'œil vers le cabinet dans lequel il avait poussé Jeanne. N'avez-vous pas, dit Étienne, été pendant 2 années élève de l'école des arts et métiers de Chalon? Oui, sans doute. Vous y avez fait de brillantes études. Puis en sortant de l'école, vous avez voyagé beaucoup. N'êtes-vous pas allé en Suisse, où vous êtes resté longtemps? 15 ou 16 mois, je crois. Peut-être trouverez-vous le moyen de me renseigner sur une personne morte aujourd'hui. En Suisse, n'avez-vous pas connu un mécanicien du nom de Jacques Garot? Tout en prononçant les mots qui précèdent, Étienne Cassel rivait ses yeux sur les yeux du millionnaire. Il ne les vit point s'abaisser. Pas un muscle du visage qu'il étudiait ne tressaillit. Jacques Garot, répéta le père de Marie, ce nom ne m'est point inconnu. Ah oui, je me rappelle. Ce Jacques Garot n'était-il point un contremaître attaché à l'usine Jules Labroux à Alfortville et qui périt victime de son dévouement lorsque ce dernier fut assassiné dans son usine en feu? Vous-même m'avez raconté cette histoire. En effet, c'est bien cela. Avez-vous connu cet homme? Du tout. Paul Armand se trouvait sur des charbons ardents. À New York, où vous êtes allé en quittant la France, n'avez-vous point entendu parler de cet homme? Comment en aurais-je entendu parler? Il était mort. C'est que nombre de gens prétendent que Jacques Garot s'est arrangé de façon qu'on le crût mort dans l'incendie, dans le dessein d'éloigner de lui tout soupçon, et de jouir des 190 000 francs et de l'invention volée par lui à Jules Labroux qu'il venait de tuer. Cette légende ne tient pas debout. Ce n'est pas lui qui a assassiné Jules Labroux, puisqu'une femme a été convaincue de ce crime et condamnée. Cette femme affirmait avoir eu une preuve de la culpabilité du contremaître, une lettre écrite par lui. Si cette lettre avait existé, elle l'aurait produite. La lettre existe, elle est retrouvée. Malgré son empire sur lui-même, Jacques Garot ne put réprimer un tressaillement. « Il paraît que cela vous intéresse, fit Étienne. Fort peu, je vous assure, mais cela m'intrigue. Une lettre retrouvée, après 21 ans, convenez que c'est curieux. Où était-elle, cette lettre? Dans un vieux meuble? Dans un petit cheval de carton. » Paul Armand devint pâle et se mordit les lèvres. Ce cheval de carton était un jouet donné au petit Georges, le fils de Jeanne Fortier, par Garot lui-même. « Voici cette lettre. Voulez-vous que je vous la lise ?» Jacques Garot se leva brusquement. « Mais que m'importe tout cela, monsieur Castel ?»« Vous allez le savoir, » répondit le peintre en plaçant sur le bureau une feuille de papier timbré dont il s'était muni. « Qu'est-ce que cela ?»« Vous le voyez, c'est du papier timbré. Nous avons à débattre avant tout une question pécuniaire. 190 000 francs placés dans une maison pendant 21 ans, sans doute qu'on est touché pendant ce temps à l'intérêt légal et aux intérêts des intérêts. Combien cela fait-il ? Cela triple le capital et au-delà, dit Raoul Duchemin. Mettons un compte-ron. Monsieur, je viens vous prier de me remettre pour le compte de monsieur Lucien Labroux la somme de 500 000 francs, représentant le capital, les intérêts et les intérêts des intérêts de la somme volée par vous à son père en 1861. Je me nomme Paul Armand, monsieur, s'écria le misérable fou de terreur, et vous m'insultez? Vous vous nommez Jacques Garot et vous êtes un scélérat. Voici l'acte mortuaire de Paul Armand décédé à l'hôpital de Genève. Allons, Jacques Garot, l'heure est venue de rendre vos comptes à ceux que vous avez dépouillés. Vous les rendrez plus tard à la justice. Payez 500 000 francs d'abord. Allons, je suis perdu, et j'entraîne avec moi dans la vie ma fille innocente. Payez d'abord, ensuite nous verrons. Jacques Garot alla au tiroir caisse de son bureau et en tira 5 liasses de billets de banque. Il y a là 500 000 francs, dit-il. C'est bien, fit Étienne en mettant les liasses dans sa poche. Maintenant, écrivez ce que je vais vous dicter. L'artiste dicta. Moi, Jacques Garot, en présence de messieurs Étienne Castel et Raoul Duchemin, je m'accuse. Jacques, la sueur au front, s'arrêta. Avec cette confession, vous perdrez ma fille. Je n'écrirai pas. Marie apparut tout à coup. Elle marchait d'un pas lent et s'avança jusqu'auprès du bureau. Vous écrirez, mon père, dit-elle. Jacques Garot se laissa tomber à genoux et balbutia. « Ma fille, ils veulent ton déshonneur et le mien. » Le faux Paul Armand fit ce que lui disait sa fille, qui resta debout et immobile. L'artiste poursuivit en ces termes sa dictée. « Je m'accuse d'avoir, le 6 septembre 1861, écrit à Jeanne Fortier la lettre signée de mon nom qu'on trouvera ci-jointe. Je m'accuse d'avoir, le même jour, volé une somme dépassant 190 000 francs à M. Jules Labroux, industriel à Alfortville. Jacques s'arrêta de nouveau. « Écrivez, répéta Marie, ou j'écrirai à votre place. » Le misérable courba la tête. Étienne Castel reprit. « Je m'accuse d'avoir volé non seulement l'argent, mais les plans de Jules Labroux, mon patron, d'avoir incendié sa maison et de l'avoir assassiné. Je m'accuse d'avoir voulu faire assassiner Lucie Fortier par un complice à mes gages, Ovide Soliveau, et d'avoir payé le même Ovide Soliveau pour assassiner Jeanne Fortier, reconnue par moi sous le nom de Lise Perrin, la porteuse de pain. L'artiste en était là de sa dictée. Soudain, une porte s'ouvrit. Jeanne Fortier, livide, et le cou marbré de taches rouges, sortit du cabinet où Jacques Garot avait cru enfermer son cadavre, et dit « Que cet homme s'accuse aussi d'avoir voulu tout à l'heure m'étrangler de ses mains. » En voyant paraître Jeanne, Étienne et Raoul avaient poussé un cri de surprise, Marie un cri d'épouvante. Jacques, lui, paraissait changer en statue. Marie lui souleva la main et le replaça sur le papier. « Écrivez, mon père, commanda-t-elle. » Jacques Garot traça deux lignes encore. « Maintenant signez. » Le misérable signa. Marie prit la feuille et, l'attendant à Jeanne Fortier, qui la saisit, lui dit « Voilà votre réhabilitation, madame. » Puis se tournant vers son père, elle ajouta « Que Dieu vous pardonne, moi je vais mourir. » Et elle s'éloigna d'un pas lent, comme elle était venue. Une minute s'écoula. Lucie, Georges Darrier et Lucien Labroux apparurent, en même temps que le juge d'instruction, le chef de la sûreté et les agents conduisant Ovide Soliveau. « ma mère !» s'écria Lucie en se jetant dans les bras de Jeanne, qui la serra sur son cœur à l'étouffer. Le chef de la sûreté posa la main sur l'épaule de l'ex-contremaître d'Alfortville et lui dit « Au nom de la loi, Jacques Garot, je vous arrête. » « Jeanne Fortier, dit le juge d'instruction, je suis autorisé à vous laisser en liberté. Liberté qui sera bientôt définitive. Remettez-moi le papier que vient de vous donner la fille de cet homme. Vous, monsieur Castel, remettez-moi l'acte mortuaire de Paul Armand et la lettre écrite en 1861 par Jacques Garot. Voilà ces pièces, monsieur. Votre réhabilitation ne se fera pas attendre, madame, ajouta le magistrat en s'adressant à la porteuse de pain. Et ajouta Étienne Castel en amenant Georges à la pauvre femme, voici l'avocat qui plaidera pour vous, non seulement avec tout son talent, mais avec tout son cœur. Jeanne regarda Georges. Elle allait lui tendre la main. Mais va donc, mon frère, cria Lucie à Georges. Ton frère, lui, balbutia Jeanne. Oh, mon fils. Et elle serra Georges contre son cœur. Mais c'était trop de joie pour la pauvre femme. Elle perdit brusquement connaissance. Quand elle reprit ses sens, Lucien, agenouillé devant elle, à côté de Lucie, l'appelait aussi ma mère. Une demi-heure plus tard, on trouva Marie étendue sur son lit et morte. Sa main pressait encore contre ses lèvres son mouchoir ensanglanté. Avant de mourir, elle avait écrit ces lignes. « Pour Lucie Fortier. Je vous ai fait du mal, Lucie, beaucoup de mal. Et cependant, je ne suis pas méchante. Que voulez-vous? Je l'aimais tant. Ne me refusez pas votre pardon, Lucie, et priez Dieu pour moi. Vous êtes bien vengée. Marie. » 3 mois après, Jacques Garot et Ovide Soliveau étaient condamnés aux travaux forcés à perpétuité. La reine ne reçut pas son exécution en ce qui concernait Jacques Garot. Le misérable qui n'avait dans le cœur qu'un sentiment humain, l'amour paternel, ne put survivre à la mort de sa fille. Il trouva moyen de s'étrangler dans sa prison. Il fallut près d'une année pour obtenir l'arrêt de réhabilitation de Jeanne Fortier. Le lendemain, Lucien Labroux épousa Lucie et entrait en possession avec elle et sa mère de l'usine reconstruite sur les terrains d'Alfortville. Il prenait pour caissier Raoul Duchemin, devenu le plus proche des comptables. Les jeunes époux s'adorent et sont aussi complètement heureux qu'on puisse l'être ici-bas. Jeanne Fortier, la porteuse de pain, est heureuse de leur bonheur. « J'ai bien souffert, dit-elle parfois, mais aujourd'hui c'est le paradis. Ah, Dieu est bon !» Georges Fortier est en train de devenir un avocat célèbre. Mademoiselle Amanda vient de trouver un imbécile qui lui achète l'établissement de Madame Augustine et qui l'épouse. C'est un veuf qui a rendu malheureuse sa première femme. Il y a une justice au ciel !»